Metal Express avec Eric. Eh bien, amateurs de hard rock, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver, donc, comme chaque lundi, de 19h à 21h. C'est Eric avec vous pour vous accompagner dans le Metal Express. Et ce soir, donc, ce sera le spécial Metal 80, comme chaque lundi du premier du mois. Merci donc d'être à l'écoute de Radio Heavy Metal. Nous remercions également les partenariats qui nous diffusent Fréquence Zik et Indie Spirit. Radio Heavy Metal a sa page Facebook. Allez y faire un petit tour et un petit like ne vous coûte rien. Nous avons également une boîte mail que je vous donne. C'est radioheavymetal76@gmail.com. Voilà. N'oubliez pas que l'émission, donc, maintenant est enregistrée, comme je vous l'ai dit, il y a environ 3 semaines, 1 mois. Et donc, je la mettrai sur la page Radio Heavy Metal Facebook, évidemment. Et vous pouvez la réécouter comme ça si vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà, on va commencer donc avec un groupe qui s'appelle DID, un groupe danois, donc, extrait de leur troisième album sorti en 1989. Au nom de No Full Life to Fall the Pilgrims. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Sleeping My Day Away. Allez, bonne écoute dans le Metal Express et on est ensemble jusqu'à 21h. We'll be right back. donc danois D.I.D. avec le morceau Sleeping My Day Away, donc extrait de leur troisième album sorti en 1989. Alors que arrive tout doucement la canadienne Lee Aron, extrait de l'album Metal Queen, et le morceau qu'on écoute s'intitule également Metal Queen. Bonne écoute dans le Metal Express. Donc c'était la très belle Lee Aron avec le morceau Metal Queen sorti en 1984. Alors que voici les Suisses de Crocus. Ça s'appelle Rock the Nation, sorti en 1984. Bonne écoute. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici un groupe américain au nom de Gothic Slam. On écoute le morceau Who Died Made You God. Bonne écoute dans le Metal Express. Voilà, c'était un excellent groupe de thrash metal. Ils sont sortis cet album en 1984. Malheureusement, ils ont très vite splitté derrière. Donc ce morceau qu'on a écouté, Who Died and Made You God, c'était vraiment excellent. C'est dommage qu'ils ont vite quitté la scène métal. En attendant, voici du lourd, Manowar, ça s'appelle Fighting the World. Bonne écoute! Metal Express, les Américains de Manowar avec le morceau Fighting the World, extrait de l'album Fighting the World sorti en 1987. En attendant, on va s'écouter Warlock, ça s'appelle Son of Satan. We'll be right back. Voilà, donc c'était Warlock avec Sing of the Satan, un excellent album. Allez, voici le groupe français Killers. C'est sorti en 1985. C'est extrait de l'album Fils de la haine. On écoute Heavy Metal. Killers avec le morceau Heavy Metal, sorti en 1985. C'est extrait de l'album Fils de la haine. Donc ce groupe français est certainement l'un des groupes des années 80 qui exerce encore depuis tant d'années. En attendant, voici Monsieur Alice Cooper. Ça s'appelle Freedom. Bonne écoute dans le Metal Express. Union. pretending that you've never been bad. You're never wrong and you've never been dirty. You're such a saint, that ain't the way we see you. Are you on a ruler's with an iron hand? You change the lyrics and become Big Brother. This ain't Russia, you ain't my dad or mother. Avec Freedom, extrait du 17e album intitulé Raise Your Fist in Hell, sorti en septembre 1987. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, on va se défoncer les oreilles, voici Slayer, Angel of Death, bonne écoute! The meaning of pain, the way that I Le groupe Slayer avec Angel of Death, ça déménage. C'est extrait donc de leur troisième album intitulé Rain in Blood, sorti le 7 octobre 1986. Allez, voici Tokeblade, on écoute Break the Chains. Bonne écoute dans le Metal Express. Je vous rappelle que c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. We'll be right back. Voilà le groupe Tokyo Blade, avec Bridge the Chain, sorti en 1983, et donc c'était leur premier album. Allez, voici en attendant Udo. Et ce morceau s'intitule They Want War. Bonne écoute dans le Metal Express. Je vous rappelle que c'est Eric avec vous jusqu'à 21h et que c'est ce soir le spécial Metal 80. Album solo donc Udo avec l'album Animal House sorti en 1987 et le morceau qu'on a écouté à l'instant Ten Want War, un excellent morceau donc. Allez, voici un groupe français, le groupe Océan, et ça s'appelle Qu'est-ce que tu dis. Bonne écoute dans le Metal Express. We'll be right back. Voilà donc le groupe Océan avec Qu'est-ce que tu dis ? Et tout de suite, les dédicaces. Et oui, oui, les dédicaces. Allez, voici la première, c'est Didier Dicoupé. M'a demandé King Diamond avec Twilight Symphony, extrait de l'album Theme, sorti en 1986. Allez, Coupé, ça c'est pour toi. Voilà, quelques petits souvenirs d'ailleurs, certaines personnes qui sont à l'antenne vont me comprendre. King Diamond donc avec Twilight Symphony, c'était donc de la part, non c'est Didier, pardon, Découpé, qui m'avait demandé ce morceau. Allez, prochaine dédicace, ça c'est pour Jojo Roses qui m'a demandé Satan Jokers, les fils du métal. Allez, ça c'est pour toi Jojo. We'll be right back. Donc c'était Satan Jokers avec les Fils du Métal, un album qui est sorti en 1983, un excellent album, donc ça m'a été demandé par Jojo Rosis. Allez, voici une autre dédicace, pardon, c'est donc de la part de Valérie Robas pour son mari Henri, donc je les embrasse, que tous les deux. Voici White Lion avec When the Children Cry en premier et ensuite Scorpion avec Black Heart. Allez, on écoute dans le Metal Express. Little child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born to this evil world where man is killing man and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the children cry. Let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. that we have done, all that we destroyed, you must build again. No more precedents, and all the wars we lent, one united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children fight, let them know it ain't right. When the children pray, let them know we're away. 'Cause when the children sing, let them know. Voilà donc le groupe Scorpion avec Black Heart, et juste avant on a eu White Lion, un morceau vraiment calme, il faut un petit peu de douceur de temps en temps, ça fait du bien dans ce monde de brut. Donc le morceau de White Lion qu'on a écouté s'appelait When the Children Cry, c'était vraiment excellent et tout doucement... Très doucement. Donc c'était de la part de Valérie Robas pour son mari Henri, que j'embrasse encore très fort tous les deux. Allez, une autre dédicace maintenant, c'est Motley Crue, Piece of Your Mind, et c'est pour mon ami Avalon, Louis Chameau. Allez, ça c'est pour toi mon ami. morceau Piece of Your Action, extrait donc du premier album Too Fast for Love, sorti en 1981. Et ce morceau, donc, je l'ai dédié à mon ami Avalon Louis Chameau. Allez, ça c'est pour mon ami Pierrot. Allez, voici Motorhead, ça s'appelle It's the Rich. See if you're hungry enough. Take a bite, take another, just like a good boy would. Get a sweet thing on the side, home cooking, homicide. Side order, could be a daughter, then you're looking good. Come on baby, eat the rich. Put the bite on the son of a bitch. Don't mess up, don't you give me no switch. Come on baby and eat the rich. Come on baby and eat the rich. Sitting down in a restaurant, tell the waiter just what you want. Is that the meat you wanted to eat? How would you ever know? Hash browns and bacon strips, I love the way that you lick your lips. No fooling, I can see it drooling. Feel the hunger grow. Come on baby, eat the rich. Put the bite on the son of a bitch. Don't you give me no switch. Come on baby and eat the rich. Come on baby and eat the rich. Come on honey, here's your supper. Come on baby, fight that sucker. Voilà donc le groupe Motorhead avec It's the Rich, un morceau morceau que j'ai dédié à mon ami Pierrot de Fécamp. Ce morceau donc vient de l'album Rock'n'Roll sorti le 5 septembre 1987. En attendant, voici un groupe français qui s'appelle Ace avec le morceau Bad Boy. Bonne écoute dans le Metal Express. Can't do anything. L'album est sorti donc en 1988, intitulé Bad Boys. Et ce morceau, Bad Boys, le groupe Ace. Alors que arrive tout doucement Sacred Reich. C'est un EP à l'époque sorti en 1988. Surf Nicaragua. Nicaragua! Sacred Reich avec le morceau Surf Nicaragua, un excellent EP donc. Allez, voici un groupe français, ça s'appelait Overlord et ce morceau s'intitule Au clair de la lune. On n'est pas là pour... pour se prendre des canettes. Oh, oh. Écoute bien ma petite chansonnette. Oui. C'était vraiment sympa ce groupe français Overlord avec Au clair de la lune. On va laisser chanter la toute petite. Ben chante bien la cocotte. Allez, voici maintenant Vulcain et ça s'appelle 22. Don't be like Un superbe live donc est sorti en 1987, le groupe Vulcain avec le morceau 22. Franchement, ça m'a donné envie de chanter en même temps. Allez, maintenant on va passer avec Tankard et ce morceau s'intitule The Morning After. Bonne écoute dans le Metal Express et c'est le spécial Metal 80. Voilà donc, si j'allume pas le micro, ça va pas le faire. Donc c'était les Allemands de Tankard, extrait de l'album The Morning After, sorti le 1er septembre 1988, et le morceau qu'on a écouté, The Morning After. Allez, voici Tank, on écoute le morceau Logging in the Face of Death. Bonne écoute dans le Metal Express, il nous reste un quart d'heure. Laughing in the face of death. Laughing. Voilà donc à l'instant dans le Metal Express, le groupe Tank. Le groupe Tank d'ailleurs qui était, c'était du hard rock heavy metal britannique faisant partie de la new wave of British heavy metal avec à sa tête, un bassiste chanteur. Il a souvent été comparé à Motorhead. Tank est reconnu comme un des groupes de heavy metal ayant eu une influence directe et prépondérante sur l'apparition du thrash metal donc en 1983. Allez, on passe à autre chose. Voici Judas Priest, ça s'appelle Turbo Lover. Je vous rappelle donc que vous êtes dans le Metal Express, c'est le spécial Metal 80 et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Tell me there's no Le groupe Judas Priest, comme vous l'aviez pu remarquer et entendu, donc ce morceau était mixé à l'époque, ça commençait à se faire, donc surtout avec Judas Priest. En attendant, voici Royal Air Force, un groupe italien, et ce morceau qu'on va écouter, s'appelle Royal Air Force, est sorti en 1985. Bonne écoute dans le Metal Express. For le groupe s'appelait Royal Air Force, l'album également, donc c'était un EP sorti en 1985. Et donc, l'émission se termine. Et oui, vous allez me dire, ça passe vite, même trop vite. Donc, le spécial Metal 80, ça sera le 7 mai, prenez note. Le podcast, donc, ça sera pour demain, ça sera sur la page Facebook Radio Heavy Metal. L'émission, elle, sera rediffusée sur Fréquence Zik à partir de 21h jusqu'à 23h. Ça sera le dimanche. Nous, donc, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. 19h, 21h. Il y aura de la nouveauté, hein. Donc, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Il y a la page Facebook, Radio Heavy Metal. Il y a également la boîte mail que je vous donne. C'est radioheavymetal76@gmail.com. Vous voulez faire une dédicace? Vous êtes dans un groupe? Vous voulez passer à l'antenne? N'hésitez pas. Vous me contactez sur ces deux boîtes. Je vous répondrai. Allez, moi je vous dis à lundi. Allez, ciao !